Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le lac des cygnes, chef-d'œuvre du ballet classique. Puis il a tellement été entendu, on l'a entendu à toutes les sauces, il y a même en musique de variété, dans les publicités, tout le monde a fait sa version du lac des cygnes. Ouais. Ce qui est admirable, c'est qu'on ouvre la partition n'importe quelle page, on trouve à nouveau des beautés qu'on avait oubliées. Ouais. Et c'est pour ça que vous le disiez, comme vous le disiez, Jérémy, en introduction, il ne faut vraiment pas se contenter d'écouter la suite parce qu'on passe à côté de merveilles. Le critique musical Jérôme Bastianelli à l'émission La Tribune des critiques de disques diffusée à l'antenne de France Musique en décembre 2017. Jérôme Bastianelli a bien raison de souligner le génie de Tchaïkovski en parlant du Lac des Cygnes. Avec le Lac des Cygnes, Tchaïkovski révolutionne en quelque sorte le monde du ballet classique. Le Lac des Cygnes est d'ailleurs aujourd'hui encore l'un des ballets les plus dansés dans le monde. Classique incontournable et célèbre. Ces mots décrivent bien le ballet Lac des Cygnes. Il est difficile de croire qu'une autre compagnie puisse surpasser l'interprétation absolument magistrale du ballet Kirov, rebaptisé le ballet Mariinsky. Mais si on l'avait oublié, hier soir, on a eu droit à tout un rappel. Créé en 1895 par Lev Ivanov, ce chef-d'œuvre du répertoire de la danse russe doit son intemporalité aux compositions de Tchaïkovski. He was genius composer, Pyotr Tchaïkovski, and a lot of the drama in his music, and a lot of the Russian character in this music. Extrait d'un reportage de Kevin Sweet présenté au Téléjournal Ontario le 2 mars 2011 au moment de la présentation à Toronto du Lac des Cygnes par le ballet Kirov. Pour nous raconter l'histoire de ce célèbre ballet, pour nous parler aussi de son importance, je reçois Geneviève Guérard, première danseuse au Grand Ballet canadien de 1999 à 2006, aujourd'hui professeure de yoga. Geneviève Guérard, bonjour. Bonjour Jacques. C'est vrai que c'est le Lac des Cygnes, le classique des classiques. C'est un ballet qui est devenu un peu, beaucoup, mythique. Pourquoi? Emblématique, je dirais même, du ballet. Bien, parce qu'il est impressionnant à bien des niveaux. Il est impressionnant visuellement parce qu'il y a 24 ballerines habillées en blanc qui forment la communauté des cygnes du Lac des Cygnes. Donc, c'est visuellement... et elles sont coordonnées de façon presque militaire. Ouais. Ensuite, la musique est tellement dramatique pour illustrer cette histoire-là. Elle est reconnaissable entre toutes. Ouais. Et en plus, c'est vraiment un ballet qui a servi de carte de visite pour présenter la grandeur, en fait, l'excellence du ballet, de ce que c'est le ballet classique. Et ça allait quand même un peu ailleurs. Donc, avec toute cette gestuelle de tête sur le côté, des bras pour imiter les oiseaux, ça a une gestuelle quand même qui sort du classicisme pur qu'on connaissait et qui lui donne encore plus d'essence, je dirais. Ouais. Et pour les Russes, donc c'est un ballet important pour quiconque s'intéresse à la danse classique, mais pour les Russes eux-mêmes, ils sont connectés, je dirais, émotionnellement, comme nation avec ce ballet-là. Absolument, parce que c'est tellement impressionnant. C'était carrément une commande, en fait, du ballet Bolshoï. À l'origine, on a demandé à Tchaïkovski de créer ce premier ballet-là. C'était déjà un compositeur accompli. C'était la première fois qu'il allait créer pour un ballet. Et la scène du Bolshoï elle-même, elle est énorme. Bolshoï veut dire gros. Oui. Alors, on avait besoin d'utiliser beaucoup de danseurs. On avait besoin de raconter une histoire tragique et c'est démontré avec les 24, le corps de ballet qui est impressionnant et tout ça. Donc, ça a été pour les Russes, en fait, quelque chose de très impressionnant à voir ce dont ils étaient capables. C'est comme s'ils se nommaient eux-mêmes à travers cette excellence-là. Et plus tard, ça va être beaucoup diffusé à la télévision aussi. On en reparlera tantôt. Mais c'est à l'époque du régime soviétique. Tout à fait. Oui. C'est devenu un objet qui disait et redisait la grandeur nationaliste de la Russie. Mais qui était là, ça c'est intéressant, dès le départ, donc dès la première création du ballet, il y a cette volonté de créer quelque chose d'imposant. Tout à fait. Ouais. C'est créé une première fois, avec plus ou moins de succès, d'ailleurs. Bien, c'est ça, les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Certains disent, c'est pas vrai, c'était beau, ça a eu beaucoup de succès, mais le fait est que pendant 20 ans, on ne l'a pas représenté et qu'on a décidé de le reprendre en 1895 et on a revisité un peu la musique, on a revisité la chorégraphie, Petit Pas, Lev Ivanov s'y sont remis à la chorégraphie et ont vraiment déterminé quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus placé. Donc, souvent, ça se sépare en 2, 3 ou 4 actes, mais il y a vraiment une histoire qui s'est concrétisée. Oui. Et à partir de cette date-là, là, c'est devenu un grand succès que c'est encore aujourd'hui. Oui, donc c'est la deuxième mouture qui en a fait le grand succès que c'est devenu. Parlons-en, vous évoquez un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte, le Lac des Cygnes? C'est quand même assez simple. Alors, c'est le prince Siegfried qui va fêter son anniversaire et sa maman lui dit qu'il doit se choisir une épouse au bal qui va avoir lieu le soir. Et en cadeau, ce matin-là, elle lui offre une arbalète. Il quitte dans le bois, là, c'est une demi-heure, là. Après ça, il quitte dans le bois avec ses amis, avec son arbalète, il va aller l'essayer. Et il arrive près d'un magnifique lac où il voit une communauté de cygnes blancs et il en vise un. Et au moment où il veut déclencher son arbalète, il réalise que le cygne se transforme en femme magnifique. Il tombe amoureux, il danse un pas de deux à travers la pantomime et la télépathie du ballet, de la danse. Elle lui explique que le méchant sorcier Von Rothbart, qui s'adonne à être aussi le mentor de Siegfried, donc c'est quelqu'un qu'il connaît dans sa communauté, a jeté un sort à cette belle femme qui s'appelle Odile, faut pas que je me trompe entre Odile et Odette, qui lui a jeté un sort en lui disant, parce qu'elle lui refusait son amour, et il lui a dit... Tu vas être transformé en cygne et c'est seulement la nuit que tu vas redevenir femme. Et ce sort-là peut être rompu seulement si quelqu'un te dévoile un amour sincère. Mmh. Alors, Siegfried rentre à la maison. Il dit, je vais revenir, je vais te délivrer, je dois aller à mon anniversaire. Il va au bal. Donc, ça, c'est un grand bal où toutes les femmes lui sont présentées. Et là, il y a des danses. Et tout d'un coup, il est intéressé par personne, évidemment. Et tout d'un coup, arrive cette femme qu'il a vue au lac, mais qui est en noir au lieu d'être en blanc. Mais c'est elle, il est tellement heureux de la voir et là, il danse avec elle et elle s'appelle Odile et il déclare devant toute l'assemblée qu'il jure qu'il va la marier. Il lui déclare son amour. Ouais. Et là, elle rit et on réalise que c'est la fille du sorcier qui l'a déguisée en le cygne blanc pour l'entourlouper finalement. Ouais. Et là, il réalise sa méprise. Il est désespéré. Il retourne au lac où il rencontre son amoureuse. Et là, elle est désespérée elle aussi, mais finalement, lui pardonne. Il y a un pas de deux qui est vraiment triste. Et là, la fin... Elle varie souvent. Oui. Parce qu'en fait, cette trame-là va rester tout le temps la même. Oui, ça demeure. Puis Odile, Odette, c'est vrai qu'on peut se tromper parce qu'au fond, c'est la même danseuse qui incarne le cygne blanc, Odile. Qui incarne les deux. Et Odette, le cygne noir. Qui est devenu un des rôles emblématiques à danser pour une ballerine, oui. Mais la fin qui va changer, c'est intéressant aussi. Mm-hmm. Parce qu'au cours de l'histoire, on va hésiter essentiellement, Geneviève Guérard, entre une fin heureuse ou une fin malheureuse. Puis on aura droit à quelques versions. Tchaïkovski aimait beaucoup l'idée d'une fin malheureuse. C'est ce que c'était au début, donc une grande tempête où les amoureux décident de mourir ensemble puisqu'ils réalisent qu'il y a aucune issue. Mais s'est installée aussi une fin heureuse où Siegfried va se battre finalement avec Von Robert. Il va arracher ses ailes et il détruit ce sorcier qui, en même temps, détruit le sort. Et là, ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est une fin qui... Ça varie, il y a des gens qui... Ça dépend des compagnies, mais je sais qu'en Russie, tout le temps du règne des tsars, c'était la fin malheureuse qui primait. Quand il y a eu la révolution, c'est drôle parce que ni Lénine ni Staline n'étaient intéressés à ces arts nobles soutenus par les stars. Ils voulaient fermer ça, le ballet. Et finalement, on les a convaincus que c'était vraiment un objet de communication pour parler au peuple et pour parler au monde en général, oui, et que c'était un atout qu'ils devaient garder dans leur poche. Et ils ont décidé d'installer une fin heureuse parce que pour eux, c'était important de montrer que la communauté des signes blancs qui démontrait l'union communiste, nationaliste, mm-hmm, russe qui était victorieuse sur le capitalisme. Qui était le signe noir. Qui était le signe noir, ouais, qui était représenté comme ça et qu'ils vivaient heureux jusqu'à la fin des temps. Ouais. Un petit mot sur Tchaïkovski. On évoquait sa musique au tout début de l'émission. C'est son premier ballet, Le Lac des Cygnes. Parlez-moi un petit peu de comment il en vient à écrire cette musique et pourquoi cette musique est si émouvante. C'est assez intéressant parce que ses mémoires à Tchaïkovski ont été publiées il y a quelques années. En fait, on a retrouvé environ 2000 lettres écrites à son frère où il lui confie il lui partage son homosexualité. Et donc, les observateurs, finalement, se disaient il y a peut-être un lien entre, qui l'a beaucoup ému, entre cette histoire d'un homme pour qui c'est impossible de vivre son amour au grand jour. Il y a comme un sort qui l'empêche de... Puis en Russie, on sait-tu que l'homosexualité, on n'est pas libre encore avec ça. Donc, pour lui, c'est ce qui serait venu chercher tant d'implications dramatiques, tant d'émotions dans cette musique-là. Ouais. Et c'est une musique effectivement très émouvante, très lyrique. On dit que c'est un peu la première fois au ballet qu'on aura... C'est presque une symphonie. Et ça, c'était nouveau pour le ballet. Donc, première représentation, vous le disiez un peu plus tôt, au Bolchoï en 1877, avec un succès mitigé. Il faut attendre 20 ans pour que le ballet soit repris par Marius Petipa et Lev Ivanov en 1895. Et c'est eux vraiment qui font de ce ballet le grand ballet qu'il va devenir. Et ça se passe beaucoup, la musique de Tchaïkovski est formidable, mais ça se passe beaucoup, le succès du ballet d'Ivanov et de Petipa sur le plan de la danse, Geneviève Guérard. Absolument. C'est une petite révolution, là. C'est une révolution parce que Lev Ivanov a vraiment déterminé, en fait, a créé une nouvelle façon de bouger qui ressemble à comment un cygne pourrait bouger, donc les bras qui peuvent... démontrer le cou du cygne, la tête sur le côté, et ça installe quelque chose de vraiment dramatique parce que il y a quelque chose, le partenaire prend les ailes pour les replier et elle réouvre ses ailes pour s'en... C'est vraiment quelque chose qui dépasse un peu plus ce qu'on connaissait jusqu'à... Et difficile sur le plan technique? C'est magnifique à danser. J'ai eu la chance de le danser juste à l'école. C'est très difficile. Ouais. Mon Dieu, sur les jambes, sur les pieds, c'est très difficile. Ouais. Mais c'est en même temps une grande chance parce que c'est comme un nouveau créneau dans lequel le corps peut s'exprimer. Mm-hmm. Et puis vous le disiez au début aussi, c'est impressionnant, c'est rare, là, mais c'est 24 danseuses qui sont militairement coordonnées. Ça aussi, c'est impressionnant. Puis ça aussi, à la Révolution, ils s'en sont servis pour démontrer la force à travers ce corps de ballet féminin. On représentait beaucoup quand même une force militaire. Ouais. Il y a évidemment les danseuses, les plus grandes danseuses du monde vont interpréter ce double rôle. Ça aussi, c'est particulier, c'est exigeant pour une danseuse de jouer à la fois Odette et Odile dans le Lac des Cygnes. Qui ont des caractères différents. Exactement. Mm-hmm. Puis il y a deux noms qui ressortent vraiment du lot, celui de Pierina Lignani, mais surtout celui de Maya Plissetskaya. Le monde des ballets se partage en deux choses. Des bonnes danseuses, en trois parties. Les bonnes danseuses, les grandes danseuses, et puis les grandes danseuses qui savent créer un mythe, une starité. Et là, il y en a très peu, ça se compte sur les cinq doigts de la main. Et Maya Plissetskaya fait partie de cette espèce de petit aréopage. Elle est née danseuse, mais avant tout, elle est née cygne. Et ça, c'est une fatalité. Et je suis sûr, puisque, bon, je crois que c'est Wilde qui disait que la nature copie l'art, qu'aujourd'hui, les cygnes du bois de Boulogne sont en face de leur poste de télévision pour regarder Maya Plissetskaya battre des ailes et pour apprendre comment un cygne doit nager. Parce que c'est ça, la chose importante, c'est qu'elle a créé vraiment un mythe. Elle pose une arabesque et on est au-delà d'un ballet, on est au-delà de ce qu'est la danse, véritablement. C'est un phénomène, voilà. Elle avait les bras que personne n'avait. Donc, avec les bras de Maya, on voyait vraiment, non seulement on voyait le cygne, mais on voyait le lac, mais on voyait l'eau. Donc, beaucoup plus que l'animal, on avait cette vision aquatique qui donnait la sensation de l'eau, de flotter sur l'eau, de cette eau qui ondulait légèrement. Maya a des bras magnifiques, enfin c'est un peu banal. C'est portée comme, de bras incroyable. Non, mais c'est aussi... Mais les bras, c'est ce qui correspond à l'engagement du cœur. Et je pense que le cœur de Maya a besoin de ses bras pour exprimer tout son intérieur. Et elle le fait d'une façon, bon, encore une fois, assez sublime. Et à la fois... avec noblesse et avec animalité. Les deux sont des traits assez caractéristiques de la personnalité de Maya. Extrait du documentaire Maya Plissetskaya, la magnifique, diffusée en 2006 sur France 2. Vous y entendiez Maurice Béjart, le chorégraphe Jean Guizérix, et juste avant, vous entendiez le journaliste Pierre Combesco à l'émission télé-française Antenne 2 Midi, diffusée en juillet 1982. Que rajouter après ce qu'on vient d'entendre, Geneviève Guérard? Mais pourquoi elle a autant marqué, Maya, ce rôle dans le Lac des Cygnes? Son histoire à elle est tellement fascinante parce que elle a vécu sous ce régime et, à l'opposé d'autres danseurs, elle n'a jamais fui la Russie alors qu'il y avait des tournées qui étaient organisées. Il y a plusieurs grands danseurs, on connaît, qui sont passés à l'Ouest, comme on disait, ouais. Baryshnikov, Makarova, Nouriev. Elle est toujours revenue à la maison, mais cette maison qu'elle savait être une prison, d'une certaine façon. Mais... je pense que c'est à travers sa danse qu'elle se libérait et c'est pour ça que c'est si puissant de l'avoir dansée, c'est qu'il y avait un réel, on faisait allusion à un mouvement qui part du cœur. Oui. Je pense que c'est ça exactement qui s'est passé. C'était pas quelqu'un de libre avec un grand L, mais elle se libérait de l'intérieur. Oui. Et c'est devenu, on l'a un petit peu évoqué au début de l'émission, mais un outil de propagande extraordinaire pour le régime soviétique. Tellement. Elle le savait, elle était consciente Tout de ça. Tout à fait. Bien, moi, j'ai entendu un documentaire de la BBC qui disait qu'il y avait même un téléphone qui reliait directement le Kremlin au Bolchoï, parce que chaque fois qu'il y avait des dignitaires qui arrivaient en ville, Khrushchev lui avait dit, moi, je ne peux pas les amener au cinéma, je ne peux pas les amener à l'opéra, ils ne comprendront rien. Oui. Je vais les amener au ballet, voir des belles filles, puis tout le monde va être heureux. Alors, enfile tes chaussons. Elle dit qu'elle l'a dansé 800 fois dans sa biographie. Et elle dit que, j'ai tellement ri, que Khrushchev l'a tellement vu, ce ballet-là. Il l'a vu une cinquantaine de fois. Elle dit, il m'a confié que le matin qu'il savait qu'il devait aller voir le Lac des Cygnes, le soir, il commençait à avoir mal au ventre. Ouais. Puis là, le soir, il dormait comme un cheval, les yeux ouverts tout le long du ballet. Tellement il l'avait vu souvent. Tellement il l'avait vu souvent. Ouais. Mais c'était une carte de visite impressionnante quand on invite les dignitaires et quand ils ont organisé des tournées à l'extérieur aussi, c'était une façon de dire au monde, regardez qui nous sommes. Ouais. Et pour les Russes, il y avait un caractère, faut se replonger à l'époque, c'est le régime soviétique, c'est le communisme pur et dur. Et ce ballet-là, il est présenté à la télévision assez souvent. Oui. Parfois, c'est programmé. Parfois, pouf, le ballet est diffusé sans trop qu'on sache pourquoi. Et ça, il y a une petite histoire derrière ça. C'est Maya Plissetskaya, en fait, qui en 1976 a tourné cette version de 3 heures pour la télévision qui était présentée chaque année à la télévision d'État 2 fois par année. Les enfants ont grandi comme ça, à voir leurs parents regarder ça religieusement parce que c'était pas tout le monde qui allait au théâtre. Mais on s'est servi de ça aussi pour différents événements, pour des putsch à la mort de Brejnev, entre autres. On diffusait ça. Alors, les gens voyaient le Lac des Cygnes au lieu d'avoir des nouvelles sur ce qui allait se passer. C'était hyper insécurisant. En même temps, c'était annonciateur de quelque chose qui allait vraiment pas bien. On voyait le Lac des Cygnes à la télé, on comprenait comme soviétique que il y a quelque chose le régime nous cachait un événement problématique. Tout à fait. Ouais. Et quand il y a eu quand il y a eu un coup d'État, en fait, on a essayé de tasser Gorbatchev. Ceux qui ont essayé de le tasser ont commencé à diffuser le Lac des Cygnes à la télévision, ouais. mais se sont rendus compte que c'était une erreur finalement parce que tout le monde s'est dit « Oh! » il se passe quelque chose. Ouais. C'est là qu'ils ont pu l'arrêter. Un tout petit mot, parce qu'on a parlé évidemment de Mala Plissétskaya, mais il y a cette autre grande interprète. C'est un peu plus anecdotique, mais quand même, qui va laisser sa marque. Elle le danse avant Maya, Pierina Legnani. C'est la toute première ballerine qui va effectuer les fameux 32 fouettés. Les 32 fouettés, en fait, un fouetté, c'est une rotation qui est effectuée sur une jambe. Et donc, l'autre jambe sert, comme un hélicoptère finalement, sert à donner une impulsion pour pouvoir faire une pirouette et sans retoucher le deuxième pied par terre, continuer. Et donc, 32 fouettés, c'est impressionnant parce que la personne est en rotation, ascension, descente, sans bouger. C'est ça qui est impressionnant aussi, c'est quand ils sont effectués où le pied qui tient finalement sur le gros orteil à l'intérieur de la pointe peut rester sur la petite marque sur la scène. Et ça a été la première à effectuer ces 32 fouettés qui demeure encore aujourd'hui quelque chose d'assez pyrotechnique et impressionnant à voir. Il a promis de me confier plus de rôles cette saison. Mais il aurait raison, tu es la danseuse la plus sérieuse de la compagnie. Notre nouvelle reine des signes, la merveilleuse Nina Sayers. Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Tu es belle, craintive, fragile. Mais le signe noir... Je peux danser les deux. Je veux voir de la passion. Séduis-nous! Allez, attaque! Attaque! Il y aura évidemment de nombreuses adaptations du Lac des Cygnes au fil du temps. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film de Darren Aronofsky réalisé en 2011. Version très contemporaine, cette fois-là, Geneviève Guérard, du Lac des Cygnes, très psychologique aussi. De fait, comment ça va évoluer, cette interprétation qu'on fera du Lac des Cygnes au fil du temps? Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, la lumière était beaucoup sur Odette Odile, ce double rôle interprété par une danseuse. Et Grigorovitch, qui a été un grand, grand directeur en Russie, directeur du Kirov, a pendant 30 ans voulu amener une nouvelle version du Lac des Cygnes, a réussi parfois à mettre un peu plus d'emphase sur le rôle de l'homme, de Siegfried, en lui donnant des solos, quelque chose de beaucoup plus important, et a voulu finalement changer la finale pour quelque chose de dramatique. Ça a commencé à s'installer juste en 2001, je pense, où la finale est redevenue dramatique. Mais lui, il a vraiment transformé ça parce qu'il disait « Le ballet appartient pas plus aux femmes qu'aux hommes. » Et ça, c'est intéressant. Parce que dans les dernières versions, on voit que le rôle de Siegfried a pris un peu plus d'importance aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est un ballet qui est en continuelle évolution et la musique de Tchaïkovski qui nous transporte parce qu'elle est fondée sur quelque chose de tellement profond et vrai. Ouais. Geneviève Guérard, c'est un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Pour moi aussi. Geneviève Guérard, ex-première danseuse au Grand Ballet canadien, aujourd'hui professeure de yoga. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.